Bien les gars, ça va. La forme, ça. DTH, tranquille. Bon, le délire aujourd'hui. Il y a un sujet, je crois, il y a un sujet. Bah, c'est. Vas-y, kiffe le son. Bah, ouais. Ah ouais! Vas-y, kiffe le son. Des campagnes en bas des tours, ça achète des faits bien des tours. Vas-y, kiffe le son. Si HNT sur le beat qu'à court, des campagnes en bas des tours. Vas-y, kiffe, vas-y, kiffe, vas-y, kiffe le son. Vas-y, kiffe le son. Un bon spliff, boisson et des TH, c'est 4 cash, s'éclate avec des gars et c'est gars. Écarte tes combats, les M6, c'est gars. Casseur de burn, ça gaffe. Monte les graves, on les envoie sur Saturne. Oh, HNT, faut que ça tourne. Pense pas qu'on te berne, frère, faut que ça pète, merde. Vas-y, kiffe le son. Tourne, tourne, faut que ça pète dans la tête, te pète dans la tête, te pète dans la tête, te tourne. Vas-y, kiffe le son. HNT en abréviation pour une nouvelle apparition de Paris à ma maison. On rêve tous de reconnaissance, Paris, New York, Singapour. Je continuerai d'hurler, même si je n'ai pas le corps vocal pour. Pour les frais comme les faux, le message est bien passé. Vas-y, kiffe le son qu'on vient de te balancer. Faut que ça vibre dans ton cortex, pas besoin de thunes comme Luthor Lex. Écris mes faces qui te blâchent, je te donnerai pas le texte. Hey, 3 MC sont là, même si de toi la vie s'en va. Fais pas la gueule, gars, monte le son dans ta gnole, bah. La mesure, on la bat pas, mais la tabasse, car elle est bien loin le vas-y, blabla. Vas-y, kiffe le son, bouge ta tête, pas de commentaires. T'inquiète, le possible, dès que possible, c'est comment faire. Eh, hey, tu crois ils ont compris? Non. Alors vas-y, kiffe, vas-y, kiffe, vas-y, kiffe le son. Parce que j'arrive entre deux jeux, comme Kaina Samet, ceux qui critiquent mon son, ils sont casse la mètre, casse la mètre. Vas-y, kiffe le son. Des campagnes en bas des tours, sa chaîne fait bien les tours. Vas-y, kiffe le son. C'est HNT sur le beat qu'à court, des campagnes en bas des tours. Vas-y, kiffe, vas-y, kiffe le son. Vous êtes qui vous? SKA, DTHC, et t'es qui toi? M2O, tu peux écouter chez toi. HNT Crew, au final c'est nous. Voilà nos trois voix pour écouter chez vous. L'axe magique se manifeste, c'est tout. Vas-y, kiff, vas-y, kiff, vas-y, kiff. C'est bon là, on l'a dit 30 fois. C'est bon là. Il est pas puissant le sauveur. Ah ouais, mais bon, on l'a dit 30 fois la c'est même bon chose. Là. Vas-y, tèche, vas-y, tèche, vas-y, tèche, le son. Le son, ça démonte le truc. C'est pour les tchats. Le truc là, oh, ah, mais c'est abusé ça. Bon, ouais, allez, viens. Censuré, mais rien à cirer. Une prise directe sera censurée. Ah, shit. Voilà, ceci, son impulsion. Une prise d'extraction sur les migraines à Syrie.